Yeah, sur une production en freestyle. Parce que le soleil se lève toujours sur le ghetto. Bouge sur ce son. Tout le monde brille 24 sur 7 et ce tout le temps. Tout le monde vit, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais temps. Car tout le monde brille de l'Orient à l'Occident. Où tout le monde survit, que tu sois content ou mécontent. Alors pourquoi se faire la guerre, ne pas s'aimer en fait? Pourquoi regarder en arrière et ne plus faire la fête? Oublier les soucis, les problèmes et pourtant par un casse-tête. Prenons-nous la main, efface mal de nos têtes. Je voudrais voir la joie, le sourire sur toutes les têtes. Je voudrais voir parler les gens dans la rue à toute tête. Ça se passerait tous les jours de l'année sans que ça inquiète. Ça se passerait dans tous les quartiers sans qu'on t'arrête. Rien de plus facile, suffit juste de se lâcher. Rien de très compliqué, faut plus se laisser aller. Effacer toutes ces barrières qu'on veut nous imposer. Oublier toutes ces lois qui tous les jours veulent nous stopper. La vie n'a pas de prix, elle se vit aujourd'hui. Plus temps à perdre, j'espère que tout le monde a compris. Dans tous les pays, on la fête jour et nuit. Dans toutes les cultures, on la boit, on la mange, on la prie. Les petits, pas besoin qu'on te la serve sur un plateau pour la trouver jolie. Pas besoin qu'on tout souffle, les mots tu peux crier, c'est permis. Alors dis merci pour la vie, simplement ça suffit. Hey, merci, respect, amour, respect, famille, respect, ensemble, respect, partage, respect, savoir, respect, sacré, respect, c'est vrai. Respect. Tout le monde brille 24 sur 7 et ce tout le temps. Tout le monde vit, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais temps. J'en faisais le jour et la nuit. Sûr j'en aurais pas les coffres, prêt tourner à mes amis. Si on m'avait dit qu'il n'y a plus de solution dans la vie, sûr j'aurais pété un plomb, j'serais parmi les classes et bandits. Faut pas s'étonner de ce qui nous arrive dans la vie. Chaque fois chaque mesure a un sens pour ta destinée. Parmi les batailleurs, un qui ne sourit pas toujours la vie. On s'accroche à nos délires, notre amitié a pris le pas sur l'ennui. On n'a pas le choix, c'était ça, on se demandait à quoi on a servi. J'te parle de ce lien sacré qui nous a gardé debout et en vie. Malgré la misère, les pleurs, les trahisons et les jours gris, l'atmosphère change au fil des humeurs. Est-ce que tu sais si vite côté, on a pris le temps de comprendre ce qui se passe ici. La haine a fait place à la patience, puis la sensation. Oui, les victoires et les défaites font partie de notre parcours aujourd'hui. Notre parcours aujourd'hui. Notre regard sur le monde n'est pas celui d'un tube, mais du sage qui regarde l'horizon qui s'étend devant lui. Nos règles ne sont pas celles qui nous imposent, mal humilitaire. Mais les mots de nos anciens qui résonnent dans nos esprits. Et tout le monde brille 24 sur 7 et ce tout le temps. Tout le monde vit, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais temps. Car tout le monde brille de l'Orient à l'Occident. Où tout le monde survit, que tu sois content ou mécontent. Tu veux que je te dise, chacun de nos parcours est unique. On vit tous des histoires folles à faire pâlir les critiques. Loin de rester cloué sur un siège face à la panique. On s'est posé la question du pourquoi des étrangers. Quand t'as mis doigt dedans, je peux te jurer que c'est automatique. Tu captes tout ce qui vient brouiller les pistes, c'est ça la France-Afrique. Ils ont beau faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas pourquoi ça s'agit. On a tous un feu qui brûle en nous, qui vient briser leur magie. Leur monde continue de tourner dans leur sens, c'est ce qu'ils désirent. Mais le choix se posera même pour eux dans l'avenir. On refait le monde en commençant par la fin sans que ça dérange. Mais va bien falloir se mettre en action. Que ça dérange. Les atrocités commises sous silence, man, c'est étrange. Faudrait qu'on se mette à faire l'argent plutôt que prier les anges. Non, je préfère prendre la voix de l'insurgé qui ne veut pas la normalité qu'on lui impose. Non, il n'y croit pas.